quand ma mère m'a mis au monde, j'ai crié quelques secondes. Plus grand j'ai fait des rondes, et plus tard j'ai acheté une fronde. Tant de fois bousculé, trop de fois maltraité, puis enfermé. Si j'avais su, je serais pas venu. Si j'avais su, je serais pas venu. Chier, je serais pas venu. Eh bien non, j'aurais pas crié. J'ai rencontré une fille, elle était très gentille. C'était mon premier amour, il n'a duré qu'un seul jour. Je l'aurais aimé toujours, mais elle n'a pas cru en moi. En moi. Si j'avais su, je serais pas venu. Si j'avais su, je serais pas venu. Chier, je serais pas venu. Non, j'aurais pas crié. Non, je serais pas venu. Non, j'aurais pas crié.